Février 1680, une femme est brûlée vive sur la place de Grève. C'est la fameuse empoisonneuse, surnommée Lavoisin, qu'on exécute. « Allez tous vous faire foutre !» hurle-t-elle en s'agitant comme une possédée. Découvrez la véritable histoire de l'empoisonneuse du Roi Soleil, racontée avec truculence et verdeur par Isabelle Duquesnoy. Un monde terrifiant, mais bien réel, où se mêlent vie à la cour, exorcisme, meurtre d'enfants et sacrifices. La Chambre des Diablesses, le nouveau roman historique d'Isabelle Duquesnoy, aux éditions Robert Laffont. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Les immigrés face à la nation française. Je t'aime, moi non plus. Le 29 mars 1792, débat à l'Assemblée législative en pleine Révolution française. Monsieur Thuriot, député de la Marne, monsieur Dumollard, député de l'Isère, souhaite que les émigrés soient privés du droit de citoyen actif. Avec la peur que, si ces nobles reviennent, il ne se changeasse en serpent pour devenir ministre. En réponse, monsieur de Girardin brandit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, celle de 1789. Les émigrés sont alors les Français partis à l'étranger. Quand ils reviennent, ils sont immigrés et des Miss Roussos les attend de pied ferme. Prince Vic et sa cohorte aux très vaillants Condé devaient prêter main forte, mais s'est effondré. Voyez donc quel malheur en tout vous accompagne. Nous vendrons vos châteaux jolis, vous irez bâtir mes amis des châteaux. La Révolution française, revisitée par des Miss Roussos. Bonjour Delphine Diaz. Bonjour. Ce moment Révolution française, dans l'histoire de l'immigration, est un moment important, ne serait-ce que pour le vocabulaire, ce mot émigré, immigré. Oui, c'est un moment important à la fois du point de vue des quantités de personnes qui sont amenées à se déplacer, puisqu'on parle des émigrés de la Révolution française, eh bien, ce sont quand même près de 150 000 personnes qui partent à l'étranger, qui se dispersent à travers les États européens qui veulent bien les accueillir, mais également beaucoup plus loin, vers la Caraïbe, vers bien d'autres espaces. Donc il y a effectivement une importance de ce moment révolutionnaire pour les volumes de population concernés, mais aussi pour l'élaboration d'une nouvelle terminologie pour désigner ceux qui sont amenés à se déplacer pour rester fidèles à leurs idées. Que ce soit les émigrés ou encore effectivement un autre terme qui s'impose à la faveur du 19e siècle, qui est le terme d'exilé. Exilé, émigré, immigré, c'est tout un vocabulaire qui reflète des réalités. Delphine Diaz, on peut peut-être replacer ça dans une autre réflexion qui est l'appartenance à la nation même, parce que sous la Révolution française, c'est pas comme aujourd'hui, c'est pas avec une carte d'identité qui nous relie de manière intrinsèque à un pays, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors en effet, le concept même de nationalité, il n'existe pas encore à cette époque-là. Mais en revanche, ce qui est important de savoir, c'est que la Révolution française inaugure quand même aussi l'ère des papiers. C'est-à-dire qu'on a tendance à un peu oublier que c'est en 1792, justement pour répondre au phénomène de l'émigration qui prend de l'ampleur, qu'est adopté le passeport en France. Hein. Et donc, il reste en vigueur jusqu'au début des années 1860. Donc, si vous voulez, il y a aussi quand même un moment qui est très important dans la volonté de contrôler les déplacements dans l'espace. Que ce soit des déplacements à l'intérieur du territoire national ou alors les déplacements des étrangers qui viennent en France et des Français qui partent à l'étranger. Alors, dans ce champ lexical autour de l'immigration, on a évoqué déjà quelques mots, mais ces mots s'enrichissent sans cesse au cours du 19e siècle avec quand même l'idée que pour ces nobles qui partent, il n'y a pas que des nobles qui quittent la France au moment de la Révolution, ce sont des raisons politiques. Est-ce que à ce moment-là, fin 18e siècle, début 19e siècle, l'idée de l'économie entre en compte? Est-ce que quelqu'un qui quitte un lieu pour aller ailleurs travailler est considéré comme quelqu'un qui a émigré? Alors, on parle à cette époque-là davantage d'émigrants pour parler justement de ces travailleurs étrangers qui cherchent du travail ailleurs que chez eux. Hein, c'est un terme en français qui s'impose. On parle pas de migrants comme aujourd'hui, on parle plutôt d'émigrants. Et effectivement, c'est aussi une dimension importante, même si c'est finalement ces travailleurs qui travaillent à l'extérieur de leur propre nation sont finalement moins contrôlés que les exilés politiques ou que les émigrés. Hein. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a une certaine porosité du point de vue effectivement de ces circulations de travailleurs en Europe. L'idée de la quantité de personnes concernées, oui. C'est ça aussi au cœur des préoccupations. Nancy Green, bonjour. Bonjour. Peut-on dire que ce moment révolutionnaire correspond à la mise en place d'un vocabulaire particulier, immigré, et surtout à des phénomènes vraiment beaucoup plus massifs que par le passé? On va parler de la massification, si on peut dire, de l'immigration plus tardivement dans le 19e. Mais ce qui m'a toujours intrigué, c'est qu'en France et en français, le mot émigré reste attaché à ce moment historique de la Révolution française. Et donc, mais ce qui empêche de penser parfois l'émigration distincte de l'immigration, en tous les cas, on ne peut pas utiliser le mot émigré pour les temps contemporains. Donc, on va parler de beaucoup plus d'immigrés. Il va avoir aussi une évolution, on peut parler plus loin, à la fin du 19e siècle, quand on va vraiment parler d'immigration et qu'on va basculer d'émigration vers immigration à un moment où il y a effectivement un plus grand nombre qui arrive en France. Juste un mot aussi sur 1860, parce que c'est intéressant, parce qu'on a souvent fait une distinction entre le 19e siècle qui était ouvert et le 20e qui est fermé, mais on oublie en fait ce qui précède 1860 et qu'on a un peu défini par rapport à une comparaison avec le 20e, le 19e, en regardant juste cette dernière partie. Mais il y a bien eu avant des papiers. Et puis, cette histoire de papier, ce n'est pas tout. Il y a le regard porté sur ces personnes qui se déplacent. Delphine Diaz, il y a question, quand on parle des émigrés sous la Révolution française, d'un double regard. Parce que le regard de nobles qui partent peut être lié à une héroïsation de celui qui va combattre dans l'armée de Condé, ou alors là, au lâche qui fuit. C'est ici déjà qu'on trouve ce double regard. Oui, ce double regard. En effet, on a effectivement des émigrés qui sont considérés comme des traîtres du côté des révolutionnaires, qui veulent absolument effectivement effectuer cette distinction de vocabulaire entre l'émigré et l'exilé, hein, qui est une différence d'essence même entre l'émigré et l'exilé politique. Donc c'est intéressant de voir en effet ce contraste, hein, des représentations attachées au fait de partir. Est-ce qu'on peut rester fidèle à ces idées en quittant sa patrie? Alors c'est une question aussi qui va beaucoup agiter, hein, dans les années 1820-1830, où on va avoir beaucoup, beaucoup de libéraux, donc qui défendent les révolutions libérales et les insurrections libérales dans leur pays, notamment dans la péninsule ibérique ou dans la péninsule espagnole. Eh bien, ils vont se demander, est-ce qu'on peut rester fidèle à ces idées en partant à l'étranger? Et certains vont même développer l'idée que finalement, c'est en partant à l'étranger qu'on construit le mieux sa nation, qu'on est le plus fidèle à ses idées et qu'on peut effectivement s'engager au mieux dans un combat patriotique. Et c'est ce que l'historien italien Maurizio Isabella a appelé le paradoxe de l'exilé. Hein, le paradoxe de l'exilé qui à la fois doit partir, donc c'est quand même une forme de, finalement, voilà, de mise à distance de sa patrie, et qui d'un autre côté, finalement, grâce au séjour à l'étranger, peut aussi véhiculer ses idées plus largement, avoir un auditoire plus vaste dans d'autres pays, dans d'autres langues également. C'est une histoire de paradoxe, hein. On ne peut pas faire autrement. Non mais c'est vrai, parce que ce n'est pas un tout. Quand on parle des populations qui se déplacent à travers l'Europe, il y a tant et tant de cas de figure, mais on peut même aller au-delà de l'Europe. Nancy Green, j'évoquais ce regard porté sur ceux qui se déplacent. Vu des États-Unis, ceux qui arrivent, c'est plutôt la construction de la nation, alors que d'Europe, c'est une autre lecture. Mais il y a même des disputes à savoir qui appartient à qui. Parce qu'au début 19e siècle, entre ce que pensait la Grande-Bretagne de ceux qui partaient aux États-Unis et ce que pensaient les États-Unis sur ceux qui arrivaient, il y a eu des grands débats sur la notion même d'expatriation. Est-ce qu'on avait le droit de changer de pays? Vu de l'Angleterre, non, parce qu'il y avait la notion de l'allégeance perpétuelle. Vu des États-Unis, ils voulaient bien accueillir tous ceux qui était venu. Et donc, petit par petit aussi, avec une réflexion sur l'immigration et l'émigration au 19e siècle, les pays vont être obligés quand même de reconnaître que leurs citoyens peuvent partir et puis ils peuvent changer même de nationalité. Avec un nouveau mot, hein, expatrié. Le mot expatrié date des années 1960, mais la notion d'expatriation a beaucoup changé, en fait, parce que c'était effectivement, vous savez, cette notion de traître, quelqu'un qui part. Mais après, c'est devenu les expats, c'est plutôt les hommes d'affaires qui ont des avantages. Donc, en fait, il y a des différentes notions à travers deux siècles de cette terminologie sur l'expatriation. C'est sûr que l'une et l'autre, Nancy Green et Delphine Diaz, vous réfléchissez beaucoup à ce vocabulaire parce qu'il est prégnant dans cette histoire. On pourrait rajouter des proscrits aussi. Oui, les proscrits. Alors ça, c'est aussi un mot qui se popularise beaucoup en français dans les années 1820-1830, précisément pour parler de tous ces hommes, puisque ce sont surtout quand même des hommes qui partent, qui effectivement, pour éviter une condamnation à une peine de prison, ou qui sont aussi visés par des peines de proscription, parce qu'il en existe notamment dans la péninsule italienne, et bien qui effectivement s'en vont et qui deviennent des proscrits et qui font l'objet aussi d'une forme d'héroïsation, hein, puisqu'il y a plusieurs romans, plusieurs pièces de théâtre qui vont mettre en avant cette figure héroïsée du proscrit. Parce que nous sommes dans des sociétés qui se connaissent très bien, en fait, extrêmement cosmopolites, pour utiliser un mot qui veut dire beaucoup de choses. Mais il y a énormément de circulation, circulation des élites, bien sûr, circulation du commerce. On voit beaucoup de gens étrangers à Paris, à Londres, partout. On arrive ici déjà à avoir une lecture, Nancy Green, de ces élites qui se déplacent. Je pense à l'aristocratie, des liens familiaux intenses. Bah, par définition, cette aristocratie européenne est faite de migration. Oui, certaines étaient aussi des exilés de l'époque aussi révolutionnaire, ou le début, enfin dans le 19e siècle. Oui, il y a des exilés et des émigrés et des immigrés de toutes sortes. On a un problème aussi, le vocabulaire, par rapport à une notion de classe sociale, parce que certains mots véhiculent différentes classes sociales. Donc, les immigrés ou les émigrés américains ne veulent pas s'appeler immigrés, parce que c'est un terme qui est vu comme un terme des classes très ou pauvres ou très modestes. Et donc, il va avoir à différents moments différentes sortes de vocabulaire. Les expatriés des années 20, les Américains, alors là, c'était une élite d'écrivains, d'artistes. Parfois, ils étaient pauvres, d'ailleurs. Mais ils sont à Paris. Hemingway, voilà, ils avaient tous quand même des... Ils devaient écrire dans les journaux pour avoir de l'argent, pendant qu'ils écrivaient dans les cafés. Mais donc, il y a une différents moments où il y a un terme qui décrit toute une génération, tout un groupe qui sont là. Donc, il y a des élites d'émigration. C'est ça ce qu'il ne faut pas oublier, qu'avec tellement de focalisation sur les travailleurs immigrés, on oublie qu'il y a aussi une migration depuis toujours, qui est aussi une migration d'élite. Oui, parce que cette migration d'élite, elle est intéressante à étudier. Oui, alors c'est vrai qu'en fait, ça tient aussi, je pense, à l'historiographie française qui s'est beaucoup construite à partir d'une étude justement des travailleurs immigrés. Enfin, la naissance de l'histoire de l'immigration en France, elle s'est faite comme ça. C'est-à-dire qu'à partir des années 1980, il y a quand même beaucoup de travaux qui se sont d'abord centrés sur les travailleurs étrangers en France au XXe siècle globalement, fin 19e, début 20e siècle. Et puis après, effectivement, on a un peu oublié aussi qu'il y avait, ces membres des élites qui ont beaucoup, beaucoup circulé en France, et c'est le cas aussi bien sûr pour les exilés politiques, où jusqu'aux années 1848-49, on est vraiment dans des migrations essentiellement d'élite, même si certains groupes rassemblent davantage de membres de classes populaires que d'autres, mais globalement c'est une circulation d'élite. Oui. Et ce qui est intéressant, je pense aussi, quand on pense aux migrations d'élite, c'est de réfléchir sur quelles sont en fait donc les différences entre les migrations d'élite et les migrations de travailleurs classe populaire. Parce que non seulement dans ce qu'ils vivent et ce qu'ils peuvent vivre selon leurs moyens, mais aussi comment ils sont perçus. Et donc, est-ce que, pour moi, c'est une grande question, quelle forme de xénophobie il y a contre l'étranger selon sa classe sociale. Donc, et il y a une xénophobie parfois contre les riches aussi, mais disons que c'est quand même globalement vise les pauvres. Oui, ça se passe mieux quand on est riche au 19e siècle et qu'on a quitté son pays. Au 20e aussi. Et au 20e aussi, on est bien d'accord. Et on peut rajouter au 21e. Hein. Oui, c'est vrai. On peut. Globalement. Dans cette histoire-là, vous nous avez dit, Delphine Diaz, qu'il y a ce moment 1848. C'est vrai que ce premier 19e siècle, c'est un siècle où l'on se déplace partout en Europe. On se déplace à travers les pays, on passe les frontières et parfois on arrive sur un toit. Ma mère, Vous ne connaissez pas un nommé Giuseppe? Dans vos tournées, peut-être... Mon ordre ne fait pas de tournée. C'est ici un couvent de filles riches et je m'occupe de cuisine, moi. Je connais pas plus ton Giuseppe que Pierre ou Paul. Et puis qui est ce Giuseppe? Un réfugié italien, un piémontais. Mmh. Oh, il vit simplement sans rien demander à personne. Il a cette chose à se dire à soi-même. Il y a un an que je ne l'ai vu. Mais qu'est-ce qu'il fait, ton Giuseppe? Il est cordonnier. Non, nos souliers, on les fait semeler chez Jean. Un italien aussi, mais c'est pas Giuseppe. Et pourquoi tu le cherches, ce Giuseppe? C'est trop long à dire. Il connaît ma mère. Elle est duchesse, ma mère. Elle est jeune et belle. Très belle. Oui, bah, c'est bon, j'ai entendu. Et où est ta mère? En Italie. Et elle correspond avec Giuseppe. Elle lui envoie de l'argent pour moi, parce que moi, je suis toujours par Mons et par Vaud. Non, je ne sais pas qui est Giuseppe. La première fois que j'entends parler de ton Giuseppe. Allez, viens. Eh ben, allez! On met la sonnette et marche, mon petit. Une adaptation du Sar sur le toit de Jean Giugionot, bien sûr, par René Villemette. C'est en 1953, avec cette voix, mais c'est Gérard Philippe qui est Angelo, Delphine Diaz. Et ici, on l'entend, hein, il recherche des compatriotes, parce qu'il y a ça dans l'idée d'immigrer, d'arriver quelque part. Veut-on se fondre dans la population ou reste-t-on à part, et dès lors, avec ce statut d'immigré? C'est quelque chose d'important toujours, hein. Dans un premier temps, c'est vrai que les exilés politiques, tout comme les travailleurs étrangers dans un nouveau pays, cherchent à se reconstituer des réseaux de connaissances, à bénéficier des informations qu'ils peuvent avoir sur les logements, sur les possibilités d'emploi également quand ils ont besoin d'argent. Donc ça, c'est vraiment une dimension essentielle de rechercher les membres d'une communauté dispersée dans un même pays d'accueil. Donc ça, c'est une dimension très très importante. Et d'autant plus dans ces années 1830 qui sont décrites dans le Hussard sur le toit, où effectivement la France de la monarchie de Juillet connaît un afflux sans précédent d'exilés politiques venus de toute l'Europe. Oui, de toute l'Europe, hein, parce que là c'est un Italien dans le cas du Hussard sur le toit, mais il faut jeter un petit coup d'œil aussi vers la Pologne où il se passe des choses. On voit vraiment qu'il y a un regard porté sur ces déplacements, mais alors c'est complexe parce que faire de tous ces gens-là? Et là, il s'agit de légiférer sous la monarchie de Juillet. Sous la monarchie de Juillet, on a la première loi sur les étrangers réfugiés, hein, c'est le mot qui est adopté alors. Et c'est une loi qui ne définit pas qui sont les réfugiés encore de manière très très précise. En fait, c'est vraiment par la réglementation ministérielle qu'on voit petit à petit se dessiner les contours vraiment d'un groupe mieux défini. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec cette loi, c'est que l'idée, c'est qu'on va appliquer des politiques de contention beaucoup plus précises, beaucoup plus dures vis-à-vis des réfugiés que vis-à-vis des autres étrangers en France, hein, qui sont, pour le coup, qui ont davantage de latitude, hein, du point de vue de leur déplacement, même s'ils sont toujours dans l'obligation de porter un passeport à cette époque. Donc on a une politique notamment d'assignation à résidence qui se met en place pour essayer de répartir ces réfugiés étrangers à travers toute la France, en évitant qu'ils se concentrent dans les grandes villes. Donc on veut surtout pas qu'ils aillent à Paris ou à Lyon, par exemple, ou à Marseille, on essaie d'éviter aussi, parce qu'on veut aussi éviter qu'ils soient une source de subversion politique dans les grandes agglomérations. Et puis on va essayer aussi de les disperser, de les éloigner des frontières, parce qu'on redoute toujours que, notamment, ces anciens insurgés tentent de retourner dans leur pays et fomentent de nouvelles conspiration. Et puis, on va donc les répartir. Bon, ça, c'est pas propre à la monarchie de Juillet. C'est un principe, en fait, qui était un petit peu plus ancien, mais qui se systématise avec la monarchie de Juillet. Donc, on les répartit dans ce qu'on appelle les départements de l'intérieur. Donc, ce qui fait qu'on a des réfugiés qui se retrouvent dans des petites villes de l'Indre et qui vont devoir recommencer leur vie dans ces fameux départements de l'intérieur. Avec toujours ce regard à porter, hein, sur l'origine sociale ces immigrés. Oui. Migration d'élite. Nancy Green, c'est l'ouvrage que vous avez dirigé avec Mariam Amar. Dans cet ouvrage, vous mettez vraiment le doigt sur ce qu'évoquait Delphine Diaz, un nouveau regard porté sur les élites quand il s'agit de migration. C'était une nécessité de vraiment mettre cela en avant? Oh, je pense que c'est nécessaire de rappeler qu'il y a eu différentes classes sociales dans l'immigration. Ça pose fondamentalement la question de la mobilité des différents types de personnes. Qu'est-ce que ça représente pour eux et comment ils sont perçus? Donc, de penser l'immigration d'élite, mais de différentes sortes, ça peut être des missionnaires en Chine, ça peut être des musiciens qui circulent dans l'Europe, ça peut être les aristocrates italiens exilés, mais ça peut être aussi les bâtiments bâtisseurs de cathédrales, les artisans qui allaient de l'Espagne vers l'Amérique du Sud. Donc il y a différents types de migration, d'élite. Et on voit aussi comment il y a parfois des formes de, si on peut dire, de triage, ou comment est-ce que même la notion de qui est une élite et où, ce qui n'est pas le terme forcément utilisé par les uns ou les autres, mais comment est-ce que les gens eux-mêmes choisissent leur parcours, et parfois dans les situations très douloureuses après la Deuxième Guerre mondiale, comment, c'est ce que Marianne Amar a étudié, comment dans les camps des déplacés, comment les gens qui étaient en fait choisis ou sélectionnés ou au moins perçus pour ceux qui avaient les possibilités de trouver un travail, les musiciens ou les artistes ou les écrivains, donc il y a eu aussi un regard sur ceux qui auraient pu trouver un travail une fois qu'ils étaient envoyés vers une destination. Donc les destinations sont aussi parfois dirigées par en fait les organismes qui essaient de placer, ou comme Delphine Diaz a mentionné, où on essaie de disperser, où on essaie de trouver les endroits les plus adéquats. Mais ça, c'est selon les organisateurs, c'est pas forcément selon les intéressés. Les élites échappent un peu à cette dispersion, ouais. Hein, ça va. Oui, oui, oui, y compris dans la France du 19e siècle. En effet, le modèle dont je parlais tout à l'heure, de dispersion des réfugiés dans ce qu'on appelle les dépôts de réfugiés dans les départements, c'est un modèle qui est appliqué surtout, effectivement, à ceux qui ont besoin